ckrl.qc.ca. La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. 铃都有住佢独特嘅声，店主系孙先生，佢好中意收集呢啲来自世界各地嘅单车铃噶。转左，行入呢条小巷，抬头望下墙上红色嘅路牌，上面写住草创北巷。 Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, édition du dimanche 16 avril 2017. Alors, ce soir, je vous propose une émission consacrée à la création sonore chinoise. Eh bien, on vient d'entendre deux pièces en fondu sonore de l'artiste d'origine chinoise Yan Jun, intitulées « Ligne numéro 6 du métro de Beijing » et « Music One ». Alors, je vous propose ce soir une heure de sino-sonorité, des œuvres sonores concoctées par des artistes et musiciens de la nouvelle vague sonore chinoise, des compositions qui sont pour la plupart récentes, tirées d'un album intitulé « Chinese New Music », qu'on peut repérer sur le site archive.org, qui est en téléchargement libre. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil au terme de l'émission. Il s'agit d'une compilation diversifiée qui regroupe des pièces réalisées à partir de field recording, d'expérimentation musicale, de spoken word et de variations thématiques réalisées à partir de sonorités, de synthèses et de travaux sur bande et d'expérimentation brutiste. Alors, on démarre avec une leçon de prononciation en mandarin signée Li Li Feng. Thank you. 每隻單車鈴都有著它獨特的聲音。店主是孫先生，他很喜歡收集這些來自世界各地的單車鈴。轉左，行入這條小巷，抬頭望著牆上紅色的路牌，上面寫著草創北巷。 想当年，单车铃声系我哋交流嘅暗号。响三声就系我嚟咗啦。再响三声即系话你喺边啊？睇到你左边黑色嘅扶梯嘛？魏先生每日朝头早6点都会沿住呢度行上屋顶。 打开个雀笼，放飞啲白鸽一段时间。喺扶梯边停留一阵，你可以行上扶梯噶，睇到成个胡同嘅美丽景色噶。如果你唔想上楼梯，就喺扶梯呢度停留一阵啦。抬个头望下，听唔睇到啲白鸽喺胡同上空好自由咁飞翔啊？听到嘛？啲鸽哨声系咪好特别啊？呢度每一个养白鸽嘅人。 都都喺佢哋啲白鸽条尾度，肮脏一段好细嘅竹管，白鸽飞嘅时候就会发出呢种好特别嘅鸽哨声噶啦。你而家喺边啊？仲喺屋顶啊？我哋要走噶啦，继续沿住小巷向前行。 2005年8月，克里斯蒂安娜。灰色的云在移动，消散。我忘记了会议，一个30度的斜线，把阳光从水面引向空中。那里有中国电信、丹麦电信、无政府短波和实验室的脑波汇聚。资本主义在烟雾中飞行，伴随着光、热量被吸走，水也在上升。从克里斯蒂安娜向悬在半空中的冰汇聚，这一切都会被抹去。再现。 L'accroche-oreille vous est présenté par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Voilà, on est de retour et on poursuit notre balade sonore en sol chinois avec cette compilation intitulée New Chinese Music, publiée sur archive.org, un album qui regroupe de nombreux artistes de l'avant-garde sonore chinoise. Alors, vous pourrez retrouver l'intégrale de l'émission en balado-diffusion, ainsi que le détail de toutes les pièces là, entendues ce soir sur le site de CKRL et encore mieux, le site de l'émission lacrocheoreille.wordpress.com. Vous retrouverez tout le détail. Alors, allons-y avec une prochaine pièce. Eh bien voilà, ainsi s'achève la croche-oreille pour ce soir. Alors je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain sur les ondes de CKRL 89,1. D'ici là, soyez attentifs aux sons autour de vous. La Croche-Oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Vous, mon ange et ma passion. Afghanistan, Albanie, Algérie, Argentine. Mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique. Chine. Étoile de mes yeux. Congo. Soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Haïti, Inde, Irak, Iran, Ghana, Guinée, Lituanie, Malaisie, Mali.